arrivée, toujours en retard enfin. Juste un peu avant moi, juste assez pour que je m'en veuille d'être pas rentré hier, plutôt chez moi, et d'avoir encore mal aux feuilles. Sinon je l'aurais croisé au bar tabac, on aurait pris une petite bière, enfin un café ou un chocolat. Mais on n'a jamais bu de petite bière, je l'ai jamais vu au bar tabac, pas plus qu'au repas de Noël, chaque année au bar tabac. Alors même si j'arrivais à l'heure, je verrais jamais son minois. À l'usine, c'est son mari qui l'emmène. La vie est bien cruelle parfois. Mais pourtant, si elle voulait, je lui dirais bien, viens chez moi, je lui crierai des prières, je donnerai ma langue à son chat, je lui dirai des poèmes, et que j'irai plus au bar tabac, m'enfiler toutes ces bières, c'est fini, je passe à la vodka. Я так люблю.